Accueil du Netophonix, 13h04. Bonjour Richoult, dis-moi, tu aurais une minute? Ah bonjour Arthur, oui bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je passais beaucoup dans l'entreprise en simple visiteur, mais aujourd'hui j'ai décidé d'aller plus loin et... Et de postuler chez Javras, oui bah je comprends parfaitement, hein. T'inquiète pas, alors, on s'occupe de tout, je dois avoir un formulaire sur moi, alors voyons voir, non ça c'est pour... Non c'est pas pour ça. Oh désolé, des formations professionnelles, je suis un peu fatigué tout ça. Du coup quel est ton souci? Eh bien, il y a Lauren Deal qui m'a demandé d'enregistrer un petit rôle et je ne sais pas où est la salle d'enregistrement. Alors ça dépend. Aujourd'hui, on est le 29, entre 13h et 13h30. Donc, si je me rappelle bien, c'est au 3e étage, salle 4. Merci, Richoult. Si jamais t'arrives après 13h30, ce sera au 5e, première porte à gauche. D'accord. Faudrait vraiment que l'administration du Netophonix prévoie des salles fixes. Après, on s'étonne qu'il y ait des retards. C'est pas pour rien que dans Javras, on arrive à être plus régulier. Oh, c'est quoi ce boucan? Valkyria? On m'appelle? Qu'est-ce que c'est que tous ces... trucs? Ah oh, ça, c'est des instruments et autres objets pouvant faire du son. J'ai une idée de musique pour Agartha. Et d'ailleurs, c'est un peu lourd. Tu pourrais pas m'aider à les porter jusqu'à mon bureau? Ah, mais bah, bien il sûr! Il est au 7e étage, avec tous les ascenseurs qui sont en panne, je te dis pas la galère. Ah, c'est terrible, c'est vraiment dommage que je puisse pas t'aider, je suis pressé en fait, là j'allais de l'autre côté. De l'autre côté de où tu veux. Ah, bah tant pis. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, j'ai un truc à faire en rapport avec les sagas MP3. Les sagas? Oui, tu sais, les séries sans images, les trucs audio, là. Je vois. C'est Lauren Deal, voilà. Je devais aller voir Lauren Deal à propos de MP3 à Paris, voilà. D'accord. Voilà, il faut que je te laisse. Lauren Deal a un planning très chargé et il m'attend. Enfin, sûrement. Mmh, très bien. Bah, tu lui diras bonjour de ma part, alors. Ouais, ouais, allez, salut. Bon, il est où le bureau de Lauren Deal? Allez, c'est reparti. Quelques minutes plus tard, devant le bureau de Lauren Deal. Bon bah, il m'attendait peut-être pas tant que ça. Salut Richoult, toi aussi tu dois voir Lauren Deal? Oui bah oui, tout à fait, absolument. Je devais aller voir Lauren Deal, il m'a évité des courbatures. Pardon? C'est compliqué. Mais dis-moi, on te voit pas souvent ici. D'habitude tu restes dans le bâtiment de Javras. C'est vrai, mais là j'avais besoin de prendre l'air. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, rien de vraiment important, hein. Certains membres ont décidé d'installer une machine à pancakes dans la salle de pause sans prévenir tout le monde. Résultat, tout à l'heure, il y a une personne qui l'a confondue avec la machine à barbe à papa. Et c'est le chaos dans tout l'étage. Il y a de la fumée noire partout. Du coup, je suis venu ici pour éviter de péter un câble et de jeter des trucs par la fenêtre. Il paraît que c'est pas bon pour la peau. Comment on peut confondre une machine à barbe à papa et à pancakes? C'est vraiment pas facile de diriger Javras tous les jours. D'accord. Je m'absente un moment, ça va barder. Ok. Nai! Bonjour, Dreg. Toi aussi, t'es venu voir Lauren Deal? Absolument pas! Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'on est devant son bureau? Ah, ouais. Mais c'est toi que je cherchais, donc bon. C'est pour la pochette d'Oriog pour le journal du Weekly. C'est bon, on l'a bien reçu, t'inquiète pas. Oui, alors, justement, vu qu'on est 4 membres, on se demandait si on pouvait pas prendre 4 places sur la couverture. Javras aussi ont une pochette. Ah, c'est bien une place par groupe. Ouais. C'est bien une place par groupe. Sinon, on pourrait rajouter... Il y a une pochette pour Netophonix aussi. Ah bah mince alors, je viens de me rappeler que j'avais un script à terminer subitement. Allez, salut! Bon bah, bonne journée, hein! Oh! Mais fais attention en courant! Désolée, je suis pressée! À courir comme ça, on s'étonnera pas s'il y a de la casse! Aïe! Salut Nai! Ah tiens, salut Lauren Deal, je cherchais à te voir justement. D'où le fait que tu sois devant mon bureau. Exactement. Avec un air interrogatif sur ton visage. Oui. Et le fait que tu aies l'air énervé, c'est de ma faute? Mais je suis pas énervé. Mais pourquoi tant de colère envers moi? Quelle horreur ai-je pu faire? Mais rien. De toute évidence, c'est viscéral. Une mauvaise critique que j'ai dû faire l'année dernière. Aussi, le Weekly c'était mieux avant. Va mourir. Tu vois, t'es énervé. Je te foutrai une baffe plus tard. Je viens de voir à propos du Weekly version papier qu'on va donner à MP3 à Paris. Concernant la pochette que tu nous as envoyée, elle est pas bonne. Comment ça, elle est pas bonne? Pourtant, y a rien contre la charte, ça rentre dans les dimensions. Ouais, justement, les dimensions. Parlons-en. Quoi, les dimensions? J'ai pourtant fait attention que ce soit pas trop grand. Ton image est ronde. Bah oui, mais c'était pas précisé sur votre message que l'image devait être carrée. Longueur et largeur, c'est pour un carré. On n'a pas donné un diamètre comme modèle. Ah bah justement, vous auriez pu, hein. On peut faire rentrer des carrés dans des cercles. Lorendil, là, je suis énervée. Ah bah tu vois, j'avais raison depuis le début. Bon, soit tu nous passes une image carrée dans les dimensions, soit on te mettra pas de pub pour ton site. Inutile d'essayer de me mettre la pression. Je ne me soumettrai jamais au lobby du Weekly. Tu m'entends? Jamais! Je m'en vais comme un prince. Bon, ça c'est fait. Maintenant, les Avengers. Me revoilà. Désolé, un membre a essayé d'arrêter la machine en frappant dessus avec un extincteur. Pff, ils sont cons. Nai? Bon, bah je suppose que je dois attendre tout seul. Allez, on y est presque. En fait, c'est vachement lourd, la longue. Hein. Bort, Coupi, qu'est-ce que vous faites avec ces fenêtres? Salut, Richult. Oh, on les dépose devant la porte de Lorendil. Cet enfoiré a déplacé toutes les fenêtres qui étaient stockées dans son bureau dans le mien. Pourquoi des fenêtres? C'est une longue histoire. Et vous êtes venu depuis ton bureau jusqu'ici pour transporter des fenêtres? Oui. Non. D'accord, ça me va, c'est bien. Il y a une raison en fait. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il me reste plus qu'à aller voir Lorendil. Nom d'un bonnet d'âne! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Ça va, Bort? Oui, ça va très bien, si ce n'est que je vais tuer ce trou de terreau de Lorendil! Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est quoi toutes ces fenêtres devant ton bureau? C'est Lorendil qui a décidé de transformer mon bureau en entrepôt en se foutant ouvertement de ma gueule! Regarde ce papier! Coucou Bort, merci de t'être proposé spontanément pour stocker mes fenêtres chez toi. C'est vraiment super sympa, t'es un chic type, irremplaçable! PS, je reviens d'ici quelques minutes, peut-être. Bah, c'est toi qui lui as proposé, non? Non, je vais lui jeter ses fenêtres à la figure, tu vas voir! Ah bah, ça tombe bien, je dois aussi lui parler. Tu veux que je t'aide à emporter quelques-unes? Et nous y voilà. Alors, j'attends ici depuis une heure et je sais pas du tout où il est passé. T'as pensé à l'appeler? Ah non, c'est vrai ça, je vais l'appeler. Oui, allô, Lorendil? Je suis devant ton bureau. Dis-moi, tu comptes revenir dans combien de temps? Tu arrives dans quelques secondes? Ah, c'est parfait. On t'attend. Il arrive dans quelques secondes. Et du coup, tu venais pour quoi, Coupi? Ah, c'est pour l'encou. Vu qu'il m'ennuie à repérer des petits défauts liés au breton, je préfère lui demander si tout est bon pour lui avant de sortir les épisodes. Il est pas un peu casse-pied? Un peu, mais bon. Si ça rend ma saga de meilleure qualité, je vais pas me plaindre. Ouais, c'est vrai. Au même moment, dans le couloir d'à côté. Mais qu'est-ce qu'il me veut au fait, Richult? Un rôle, je suppose. Peut-être. En tout cas, merci pour les enregistrements. Ta voix colle bien au personnage, ce sera parfait. Eh bah écoute, tant mieux. Tiens, il y a du monde devant ton bureau. Oula, ma cote de popularité vient d'exploser. Toi, alors toi, je vais te fracasser la figure tellement fort que les gens vont te confondre avec Garnica. Oh mon dieu, je crois que Bort en veut à ta vie. Cours, Kenyan, cours pour ta vie. Lorendil! Oui, bah il est parti par là. Les fenêtres! Ah, mais c'est pour moi en fait. J'ai l'impression que t'es un poil énervé. Je sais pas ce qui me fait penser ça. La pliure de ton col, peut-être. La prochaine fois que tu me mêles à tes histoires de fenêtres, je fais appel à Blast pour qu'il te file une réduction sur ton salaire pour entrave au travail des autres membres. Je vois. Du chantage. Eh bien, soit! Me voilà forcé à plier le genou face au tyran. Que dis-je? Le despote du Netophonix. Le tigre des Carpates. Je vais aller souffler dehors. Ouais, c'est ça. Bon vent. Et du coup, vous aussi, vous venez me crier dessus? Non, c'est juste pour savoir si tu peux jeter un œil à mon prochain épisode de La Légende de l'Ankou. Au cas où il y aurait un truc qui cloche. Ah oui, bien sûr, je te fais ça tout à l'heure. Parfait. Du coup, je te laisse avec Richult. Bonne journée. Salut. Et du coup, Richult, tu voulais me voir pourquoi? Ah oui, c'était... C'est... Est-ce que tu vas à MP3 à Paris? Normalement oui, pourquoi? Non, bah pour savoir, voilà. Allez, des bisous. Eh bien, salut. Ah, et tu as le bonjour de Valkyria? D'accord. Au final, est-ce que j'ai bien fait d'éviter de porter les instruments de Valkyrie? Je sais pas. Et qu'est-ce que je vais faire de toutes ces fenêtres? Bon, je vais les refourguer à Gif, tiens. Mais c'est qu'elles sont vraiment lourdes, en fait! Allez, du nerf!